Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Enfin des nouveaux podcasts puisque vous avez dû remarquer que j'ai été absent pendant une douzaine de jours. Alors la raison à cela, la raison principale à cela, c'est que j'ai eu une perte de ma connexion internet que je n'ai retrouvée qu'hier, donc que le 10 novembre. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter un article que j'ai rédigé, un petit billet que j'ai rédigé sur PodCloud, où vous avez tout le détail, même le détail avant la perte d'internet, parce que avant que je perde internet, il y avait une certaine période durant laquelle je n'avais pas publié de podcast, donc c'était important également de vous donner les raisons. Donc voilà, vous savez tout, vous saurez tout. Donc c'est trouvable sur podcloud.fr, sur analysef1.podcloud.fr, et également je l'ai mis sur les réseaux sociaux en évidence, c'est dans les derniers tweets, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse d'en savoir plus. En tout cas, j'en suis bien désolé de cette absence, mais là je reviens du coup, je reviens plus fort encore, on va dire, et avec plus de podcasts, parce que là il faut que je rattrape ce que j'ai loupé, c'est-à-dire une semaine et demie d'actu F1 que j'ai loupé sans internet, et il faut que je rattrape les différents podcasts que j'avais prévu, que j'avais enregistré. Ben, le dernier là qui est sorti, comme vous l'avez sûrement vu dans la description du podcast, eh bien il avait été enregistré peu après le Grand Prix des États-Unis. Donc il faut pas s'étonner de certaines choses que j'ai pu dire dans le podcast. Hein, c'est tout simplement parce que c'était juste après le Grand Prix des États-Unis. Voilà, donc c'était le podcast sur le duo Maldonado-Palmer en 2016 chez Lotus ou Renault. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je vais parler de la montée récente de certaines idées venant de deux pilotes en particulier, mais qui montent quand même dans le paddock et parmi les observateurs. C'est-à-dire, c'est des idées de changer le format de week-end de Grand Prix. Donc, ça me paraît intéressant de m'attarder dessus, puisque c'est des champions du monde qui en parlent quand même, des champions du monde en activité. Donc, évidemment, ce n'est pas des idées en l'air qu'il faut forcément jeter. Avant d'aborder le thème, je vais revenir vite fait sur le dernier podcast où j'avais parlé du Grand Prix des États-Unis longuement, mais j'avais oublié des choses, et notamment je veux parler de Danny Kwiat, qui avait fait une course intéressante dans la mesure où il était complètement décomplexé, le jeune russe, pendant cette course des États-Unis, ce Grand Prix, et quand il était dans le quatuor des leaders, c'était le pilote peut-être le plus entreprenant, mais peut-être un peu trop, il a peut-être surpiloté du coup, et ça lui a causé plus tard dans la course un abandon, puisqu'il a fait une erreur d'inattention qui lui a coûté toute chance d'arriver dans les points, même si à ce moment de la course, Red Bull n'était pas au plus haut de sa performance. Mais voilà, Kwiat, c'est intéressant. Par contre, ce qui était un peu moins intéressant, c'est les analyses directes après, où on a dit « Attention, Kwiat, il y a Verstappen qui brique sa place, suite à cette course, là, ça va pas jouer à sa faveur. » Ah oui, mais d'accord, mais je déteste quand on parle d'une course et qu'on en fait des vérités sur une seule course, alors qu'une saison en comporte une vingtaine. Et tout le reste de la saison, Kwiat a donné la mesure à Ricciardo, a réussi à se hisser au niveau de son coéquipier australien, qui, je le rappelle, Ricciardo était le seul à avoir vaincu les Mercedes en 2014, ce qui n'est pas rien, et qui c'est un très bon pilote, Ricciardo, donc ce que fait Kwiat est très bien. Et surtout, ben, au Grand Prix d'après, Kwiat a fait une très bonne course. Malheureusement, il loupe le podium de très peu, hein. Il aurait peut-être pu l'avoir, hein. Franchement, en ressortant mieux après le safety car et en faisant mieux marcher, mieux fonctionner en température ses pneus, peut-être qu'il aurait pu faire un peu mieux, mais bon, avec des si on refait le monde, mais en tout cas le fait est qu'il n'a pas réussi à garder cette troisième place, mais qu'il a fini devant son coéquipier, puisqu'il a fini quatrième, et Ricciardo cinquième, Ricciardo qui aurait pu aussi être plus rapide que son coéquipier, mais qui ne l'a pas été suffisamment pour aller le chercher en course. Donc encore une fois, Kwiat qui reste devant son coéquipier au championnat du monde des pilotes, et on n'est qu'à deux courses de la fin. Donc c'est significatif quand même, Kwiat est un bon pilote, et la saison qui s'est passée chez Red Bull l'a arrangé, comme je l'avais dit dans un podcast précédent, l'a bien arrangé pour pouvoir s'adapter au mieux et être le plus décomplexé possible, hein, ce manque de complexe qu'on a vu lors du Grand Prix des États-Unis, même si c'était peut-être un peu trop, pas outrance, mais en tout cas c'est intéressant de le voir comme ça plutôt que tout réservé. Voilà, sinon le Grand Prix du Mexique, a donné lieu à une formidable ambiance. Hein. Le public mexicain était chaud, ça fait carton plein et longtemps avant le week-end de Grand Prix. Les tribunes étaient pleines et on entendait bien l'ambiance, c'était assez chaud. Et c'était cool de voir ça, de voir une telle ambiance en Formule 1, de voir le retour d'un tel Grand Prix. Et donc Rosberg a remporté la course devant Hamilton et Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, c'est l'homme qui profite le mieux, on va dire, des errances des Ferrari hein, cette saison, surtout en début de saison et maintenant là. Mais à chaque fois que les Ferrari font pas le boulot, et ben Bottas est là pour les punir. Et tant mieux, il le faut. Hein, le Williams est la troisième force du plateau et il faut bien qu'il le prouve quand la deuxième force n'est plus là. On ne fait pas ce qu'il faut. Bon, il y a eu un petit clash, un nouveau clash entre Bottas et Raikkonen. Peut-être qu'on en verra d'autres. Parce que là, je sens qu'entre les deux pilotes, il n'y en a aucun qui veut lâcher. Aucun qui veut lâcher la trajectoire, aucun qui ne veut lâcher prise. Et ça risque d'être le cas aussi durant les deux Grands Prix qui restent. Peut-être pas la saison prochaine, à voir si une vraie, véritable rivalité s'installe entre les deux pilotes finlandais. Mais pour l'instant, en tout cas, ça concerne 2015. Donc voilà, donc Bottas qui a, on va dire, pas lâché, et du coup Raikkonen qui a dû abandonner. Donc c'était un peu le remake inversé de ce qui s'est passé aux États-Unis, sauf que bon, aux États-Unis c'était pas du tout le même contexte, c'était le dernier tour, Raikkonen plonge de très loin, etc. D'ailleurs il n'y a pas eu de pénalité ni pour l'un ni pour l'autre au Mexique. Bref, Bottas 3ème, 2ème Hamilton et 1er Rosberg qui partait en pole et qui pour une fois a réussi à convertir cette pole en victoire, enfin sur une course où il n'y avait pas de pression pour lui, pas de la pression du championnat du monde. C'était important de remporter une course pour la confiance tout simplement, parce que si là il n'arrivait pas à garder la tête, ça aurait été ça aurait été très compliqué et le problème aurait dépassé la pression du championnat, ça aurait été un problème plus profond pour lui et ça aurait été dommage. En tout cas pour le pilote allemand. Mais là, il a réussi à garder la tête. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment à armes égales hein, pendant toute la course. Au départ, départ un peu similaire des deux pilotes Mercedes. Après le safety car, quand il y a eu... comment dire ? Après le safety car, quand il... Enfin, avant le safety car, déjà, le choix de Mercedes... avant le dernier safety car, le choix de Mercedes de s'arrêter... Une deuxième fois, qui était bon hein, pour tout prévenir, et d'ailleurs prévenir l'arrivée du safety car, donc c'était bien. Et du coup, les deux pilotes, Mercedes, après le safety car, avaient des pneus pour aller chercher la performance et pour attaquer jusqu'au bout. Et à ce petit jeu-là, ils se sont échangés les meilleurs tours, hein, les deux pilotes Mercedes. Mais à ce jeu-là, Rosberg a su le mieux s'en sortir et être le plus rapide et tout simplement aller briguer la victoire, même si à un moment on croyait qu'Hamilton était plus rapide. Mais il a commis quelques erreurs, Hamilton. Hein. C'est rare hein, de le voir commettre ses erreurs, mais il en a commis quelques-unes qui lui ont peut-être coûté, on va dire, la chance d'essayer de tenter un dépassement sur son coéquipier allemand. Et Rosberg a très bien géré le coup devant. Donc voilà, bravo à lui. Une bonne ambiance hein, sur le podium, hein, qui n'était pas vers la ligne droite d'arrivée, qui était vers le stadium plutôt. Très bon choix de le mettre le podium là. Et voilà, donc un Grand Prix du Mexique plutôt réussi, même si la course n'était pas aussi spectaculaire qu'aux États-Unis. Mais bon, en même temps, on peut pas avoir un week-end aussi spectaculaire tout le temps. Mais en tout cas, la course était intéressante. Je trouvais le tracé... pour l'instant, je le trouve intéressant, mais comme d'habitude, je me laisse le temps de voir une deuxième année la course pour... pour bien en juger, surtout que j'ai pu voir seulement la course ce week-end-là, comme je n'avais pas Internet, donc j'ai vu la course seulement le 10 novembre, jour où j'ai retrouvé Internet. Donc vraiment, j'ai pu très peu voir le circuit à part en course, tout simplement. Bon, maintenant parlons de ces fameuses idées de week-end de Grand Prix différents. Alors comment elles sont apparues ces idées ? Tout d'abord, y a Hamilton qui a dit et répété plusieurs jours de suite, plusieurs semaines de suite, qu'il aimerait voir deux courses par week-end. Voilà, c'est son idée. Et Raikkonen, d'autre part, hein, donc deux champions du monde. Raikkonen, qui aimerait qu'il n'y ait seulement que deux jours par week-end de Grand Prix. Et il l'a dit suite surtout à... Il a émis cette opinion surtout après les Grands Prix de Russie et des États-Unis, où en effet il y avait eu très peu d'essais libres probants pour les écuries, et ça avait donné lieu... que ce soit pour l'une ou pour l'autre des courses, à des grands prix assez spectaculaires, surtout le Grand Prix des États-Unis évidemment, des courses assez spectaculaires avec des surprises et des rebondissements inhabituels et surtout une hiérarchie qui était chamboulée. Ben oui, quand on avait vu les Red Bull tenir la mesure aux Mercedes aux États-Unis, c'est sûr que la hiérarchie était chamboulée. Aujourd'hui, quel est le format ? Pour rappeler un peu et pour se resituer. Aujourd'hui, on a trois séances d'essais libres. une séance de qualification avec trois sous-séances, on va dire, Q3, Q1, Q2 et Q3, pardon, et une course. Et d'ailleurs, ce format a pu donner lieu également à des courses spectaculaires, même cette année. Je crois qu'il y avait Silverstone cette année, si je me trompe pas, ou c'était la saison dernière, je me souviens plus. Enfin bref, il y en a eu quelques-unes, Spa était intéressant. Bref, je n'ai pas trop la mémoire exactement des courses. Vous l'aurez peut-être mieux que moi, mais en tout cas, il y en a eu, ça c'est sûr. Hein. Je m'en souviens, le Grand Prix de Hongrie, évidemment, qui était pas mal. Bref, il y a eu des courses intéressantes avec ce format et sans forcément avoir des séances d'essais libres tronquées. Donc, est-ce que vraiment, après avoir dit ça, est-ce que vraiment on peut se dire qu'il faut changer le format ou est-ce qu'on garde celui-là? Eh bien, on va essayer d'analyser idée par idée, justement pour voir si ce serait pertinent. Tout d'abord, ben, prenons l'idée de Lewis Hamilton, le pilote britannique. Son idée, donc je le rappelle, c'est d'avoir deux courses par week-end. Selon moi, ce serait mauvais. Ce serait mauvais tout d'abord parce que ça enlèverait l'unicité de la course. En effet, une course est unique. C'est censé être un événement exceptionnel qu'on va suivre toutes les 2 semaines environ. Et donc, s'il y a deux courses, eh ben, on se demanderait quelle est la course principale à regarder. Est-ce que les deux courses se valent ? Ben voilà, il faudrait faire des choix également. Ben, c'est un peu comme en GP2, il y a deux courses, mais bon, là, le GP2 est pas autant suivi que la F1. Là, ça provoquerait de mettre deux courses, en plus d'enlever ce caractère exceptionnel à un Grand Prix de Formule 1. Ça serait plus difficile à concevoir pour les gens, pour les spectateurs, tout simplement. Et ça, c'est pas bon. Parce que déjà que la communication entre la F1 et les gens n'est pas forcément très bonne, alors changer le format comme ça, ça rendrait confus beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. Surtout que c'est un format qui, voilà, un format qui est quand même historique et on le voit mal le changer, sauf s'il y avait un problème avec ce format, il n'y en a pas particulièrement. Et également pour les télévisions, ce serait compliqué d'adapter un format à deux courses, hein, de trouver dans la grille des programmes deux endroits pour mettre les courses, ce serait plus compliqué. Ça desservirait la F1, je pense, à terme. Voilà pour l'idée d'Hamilton qui me semble pas bonne. Après, pourquoi Hamilton a cette idée? Tout simplement parce que il est dans une période de sa vie, et il le dit, hein, là je le cite, hein, je n'invente pas, ce n'est pas des rumeurs, il est dans une période de sa vie où il aime bien expérimenter des choses, il aime bien avoir différentes expériences au cours de sa vie. On le voit un peu partout dans le showbiz, dans les galas, etc., etc. Il aime bien expérimenter pas mal de choses et du coup je pense qu'il veut expérimenter également des choses différentes dans son métier, dans sa passion qui est celle de la course et de la Formule 1. C'est pour ça qu'il aimait cette idée. Voilà, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas en tout cas qu'il émette cette idée, il a le droit, hein. Après j'en fais une certaine analyse. Quant à l'idée de Kimi Raikkonen, selon moi elle pourrait être éventuellement intéressante s'il y avait plus d'essais privés. Parce que là, les essais privés sont globalement interdits. Il n'y a que certaines séances autorisées dans la saison, mais très très peu. Très peu de journées. Alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. D'ailleurs, je cite l'anecdote de Franck Montagny qui disait que même qu'il discutait avec Romain Grosjean il y a quelques temps, et que même si Romain Grosjean a fait plus de saisons en F1 et plus de courses que Franck Montagny, Franck Montagny avait encore je sais pas combien de milliers de kilomètres d'avance ou de dizaines de milliers de kilomètres d'avance sur Grosjean en termes de distance parcourue dans une F1 parce qu'à l'époque de Montagny, qui n'est pas si éloigné, ça fait à peine une dizaine d'années qu'il court en F1, et ben il y avait plus de séances d'essais privés autorisées pendant la saison. Là il n'y en a pas, très peu, enfin c'est comme s'il n'y en avait pas quoi cette saison et depuis quelques saisons en F1. Et du coup, ben, ce serait compliqué d'appliquer l'idée de Raikkonen, parce que très peu de roulage par rapport à il y a 10 ans, et ça veut dire que les séances d'essais libres durant les week-ends de Grand Prix sont d'autant plus précieuses, que ce soit pour les pilotes, pour avoir quand même du pilotage sur la voiture. Le simulateur ne fait pas tout, hein, je le rappelle, hein, vraiment le pilotage réel est très très important encore, et heureusement, c'est ça qu'on veut voir. Donc voilà, pour les pilotes, c'est très important d'avoir du kilométrage, et pour les ingénieurs également, pour recueillir des données et optimiser la performance de la voiture. Et d'ailleurs, en parlant d'optimisation de la performance de la voiture, l'idée de Raikkonen serait contre-productive, je pense, parce qu'il y a des lourds investissements qui sont effectués par les écuries, par à peu près toutes les écuries, ça représente des lourds investissements qui sont effectués sur la monoplace, et il ne serait pas rentable du tout avec cette idée de diminuer le nombre de sens d'essai libre, parce que les écuries ne pourraient pas optimiser le potentiel de la monoplace, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont dépensé des sous. Et oui, donc imaginez Mercedes, par exemple, ils ont sur le papier la meilleure monoplace, mais ils n'ont pas l'occasion de bien la régler, parce qu'il y a très peu d'essais libres et il n'y a pas d'essais privés. Et en plus, les pilotes ont très peu de roulage, donc sont plus sujets à faire des erreurs assez bêtes, et surtout sont plus sujets à ne pas être optimisés eux-mêmes. Sans parler de la voiture, il faut bien que les pilotes soient à leur meilleur niveau durant la course. Donc voilà, ce serait pas une bonne idée en l'absence d'essais privés. S'il y avait des essais privés, l'idée de Raikkonen s'avérerait en revanche plutôt intéressante, il est vrai. Plutôt intéressante, puisque ce serait applicable tout simplement et ce serait intéressant. Il n'y aurait pas forcément besoin de 300 essais libres, en effet. Un week-end de Grand Prix sur 2 jours, ce serait bien dans ce cas. Mais ce n'est pas le cas actuellement, donc je pense que ce serait une très mauvaise idée de changer le format. Très mauvaise idée. Et oui, parce que, certes, on veut de l'imprévisibilité, l'idée de Raikkonen, c'est ça, surtout. Bon, l'idée d'Hamilton, c'est vraiment changer le format, c'est pas vraiment l'imprévisibilité, c'est juste parce qu'il a envie de changer, de voir autre chose, d'expérimenter autre chose. L'idée de Raikkonen, c'est vraiment concernant, on va dire, le spectacle, concernant la course en elle-même, et le caractère imprévisible, et du coup, on va dire, qui pourrait être plus passionnant de la course. Alors certes, l'imprévisibilité, c'est super quand on regarde le Grand Prix des États-Unis, quand on regarde d'autres Grands Prix imprévisibles, la Hongrie, d'autres Grands Prix, c'est super, même en 2014, la Hongrie, encore. Quel autre Grand Prix d'autres Grands Prix, là, ceux où Ricciardo a gagné la plupart du temps, ou même le Bahreïn. Enfin, Bahreïn, c'est pas trop imprévisible, mais bon, c'est juste qu'il y avait une bataille. Bref, tous les Grands Prix imprévisibles auxquels vous pouvez penser, c'est bien, mais il faut pas que ce soit de l'aléatoire, c'est différent. L'imprévisibilité, c'est pas du hasard non plus. Il faut pas que ça se transforme en hasard total. Et voilà, c'est le juste compromis à trouver. Et voilà, par exemple, le Grand Prix des États-Unis. S'il y avait eu les séances d'essais libres suffisantes, je ne pense pas qu'on aurait vu peut-être Red Bull exister autant en course, ça c'est sûr. Alors certes, ça aurait été un mal pour le spectacle par rapport à ce qu'on a vu. Mais au final, si on a toutes les courses un peu comme le Grand Prix des États-Unis où les écuries ne peuvent pas faire les essais qu'elles veulent, et les pilotes surtout, hein, parce qu'il y a vraiment eu très peu de kilométrage en essais libres pour les pilotes, eh bien c'est gênant, ça, c'est gênant pour la course en elle-même, et je pense qu'on verrait beaucoup d'écuries et de pilotes se plaindre. Alors certes, du côté du public, on va dire du grand public, sans parler du public féru de F1 que nous pouvons être, du côté du grand public c'est cool, on voit pas mal de batailles et tout, mais c'est un peu factice. C'est un peu factice et ça énerverait beaucoup, on va dire, le paddock. On veut vraiment pas voir de l'aléatoire venir se mêler à la course. L'imprévisibilité, c'est bien, mais voilà, ça doit pas aller plus loin. Et voilà, et le Grand Prix des États-Unis est d'autant plus beau qu'on voit ça rarement. C'est ça aussi qui nous a plu dans ce Grand Prix. C'est pas qu'on le voit tout le temps. Si on voyait tout le temps ça, il y aurait un phénomène de mauvaise habitude, si vous voulez. Et on s'en plaindrait. Je vous promets qu'il y aurait des voix très critiques à ce sujet. Mais là, on y voit une fois de temps en temps, et tant mieux, c'est cool. Toutes les courses peuvent pas être pareilles, hein. Toutes les courses peuvent pas donner lieu à des grandes batailles tout le temps, hein. Ça, c'est normal. Une course se passe comme une course doit se passer. C'est-à-dire, voilà, les pilotes, ils vont pas faire exprès de ralentir pour qu'il y ait une bataille. Tout simplement, c'est comme ça. Et de ce côté-là, la F1 est déjà très imprévisible. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. La F1 est déjà très imprévisible de ce côté-là. Et c'est ça qui est beau également dans ce sport. Ça, c'est clair. Donc voilà, en définitive, le format actuel est suffisamment bien comme il est, je pense. Et il n'y a pas matière à le changer puisqu'il n'y a pas de problème particulier. Et quand je parle du phénomène d'habitude, c'est un peu comme le DRS. Je vais prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Même si je pense que c'était déjà concret de prendre le Grand Prix des États-Unis, on va dire... décupler s'il y avait plusieurs Grands Prix des États-Unis à la suite de cette sorte. Mais prenons le DRS. Quand le DRS est sorti, les premières courses, on a dit c'est génial. Ça remplit bien son objectif principal qui est d'augmenter le nombre de dépassements. À la fin de la saison, la première saison du DRS, il y a eu des statistiques qui ont été trouvées pour dire que ça avait augmenté de tel pourcentage, d'un pourcentage énorme, le nombre de dépassements par rapport à la saison précédente. Oui, mais les autres années suivantes. Alors certes, on regardait encore les statistiques, mais les observateurs regardaient aussi la nature des dépassements, parce que la F1, ce n'est pas que du chiffre, que de la statistique, et heureusement, c'est des hommes, c'est de la course tout simplement, c'est la pure course qu'on veut analyser. Et donc là, petit à petit, d'année en année, on note que les avis commencent à être de plus en plus critiques à propos de ce DRS, qu'on note de plus en plus l'aspect factice des dépassements que ça occasionne. Et on aimerait voir peut-être une alternative ou voir disparaître le DRS, tout simplement. D'ailleurs, Hamilton avait été très critique envers le DRS il y a quelques semaines en conférence de presse. Et je le salue pour ça, parce que ça fait plaisir de voir le pilote le plus en vue du moment critiquer le DRS. DRS que je critique également beaucoup et que j'ai pu déjà critiquer dans cette émission. Donc voilà, c'est pareil avec le DRS, le phénomène d'habitude. D'année en année, finalement, on se rend compte de certaines choses, que c'est factice. Là, ce serait pareil avec des courses, on va dire, aléatoires, où les pilotes et les ingénieurs ne pourraient rien optimiser, finalement, que ce soit du pilotage ou de la voiture. Ce serait très dommage. Laissons la F1 avec son imprévisibilité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des courses chiantes, comme il peut y avoir des courses spectaculaires, comme il peut y avoir des courses un peu modérées avec plus de safety car. C'est parfait comme ça, c'est comme ça qu'est ce sport, c'est comme ça que nous l'aimons, et c'est comme ça que nous l'aimerons. Et sur ce, je pense que c'est parfait de finir le podcast comme ça, avec la phrase suivante. Vivons notre passion, à bientôt.